Retrouvez chaque dimanche notre animateur Patrick Réau pour son émission « Comment créer le paradis sur Terre ». Mais oui, c'est possible. Et c'est à 12h sur Radio Impact.